Leçon 5, page 53. Écoutez ce responsable de la ville de Saint-Denis. Nous pouvons être fiers à Saint-Denis car nous sommes en train de réussir à mettre en place une vraie concertation sur les temps urbains. Le problème, c'est que dans notre ville, il y a de tout. Des salariés, des touristes, des étudiants et tous ces habitants ont chacun un rythme de vie bien particulier et souhaitent tous gagner du temps et parfois même être dans deux lieux en même temps. C'est pourquoi nous avons commencé par organiser des forums de discussion qui ont permis à chacun d'exprimer ses besoins dans le domaine du temps. Prenons par exemple les parents. Après avoir écouté les besoins des parents, la ville a entièrement revu le fonctionnement de ses crèches. Nous avons assoupli les heures d'arrivée et de départ. Et puis pour les bébés des pères qui travaillent à mi-temps, nous avons multiplié les formules de crèches à temps partiel. Ainsi, les mamans sont moins bousculées. Prenons maintenant les personnes âgées. Elles ont également fait entendre leur voix et nous les avons écoutées. Nous avons étendu les horaires des services municipaux de soins à domicile jusqu'à la soirée, le week-end et les jours fériés. Bon. Et puis, il y a la grande majorité des actifs qui se déplacent en bus et métro, qui travaillent aussi la nuit et qui veulent arriver à temps. Nous avons engagé un dialogue pour allonger les horaires de transport en commun après minuit.